Je promène mon chien de l'opéra au Trocadéro. Je m'appelle Monsieur de Rollinger, j'ai un intellectualisme et un snobisme parfait. Il est vrai que si je ne vous en dis rien, vous n'en saurez rien, évident. Mais moi, je promène mon chien d'opéra au Trocadéro. Car c'est un très beau Pékinois, et lui et moi. Oui, c'est un très beau Pékinois, et lui et moi. Oh là là, lui et moi, oh là là. Ou bien n'importe quoi. Moi, Monsieur de Rollinger, je suis prêt à faire la guerre à qui n'acceptera pas mon Pékinois. Car c'est un très beau Pékinois, et lui et moi. Oui, c'est un très beau Pékinois, et lui et moi. Oh là là, et lui et moi. Monsieur l'agent, n'auriez-vous donc pas vu passer un très beau Pékinois avec une laisse dorée? Non! Pichi! Oh là là, oh non, j'ai perdu mon chien. Bon bah, tant pis.